Résolution du Rassemblement solidaire avec le peuple coréen. Aujourd'hui, le peuple coréen livre la campagne colossale pour appliquer intégralement son idéal et son vœu souverain, tout en s'inspirant de la ligne d'édification de la puissance socialiste et de l'orientation pour la réunification de la patrie, avancée par le dirigeant suprême Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Le peuple coréen opère des succès miraculeux surprenant le monde entier dans tous les secteurs malgré les sanctions scélérates impérialistes contre son pays à l'aide de la capacité de se renforcer soi-même et il encourage considérablement les peuples progressistes du monde en lutte pour leur émancipation. Surtout, sa détention de la puissante dissuasion nucléaire et des fusées balistiques intercontinentales des plus sophistiquées sont l'historique déclaration permettant d'en finir foncièrement avec la menace et le chantage de guerre nucléaire des États-Unis, de défendre parfaitement la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans la région, et proclamant la faillite du vieux ordre international régi par les diktats et despotismes impérialistes. Les États-Unis critiquent la mesure de renforcement autodéfensif et l'exploitation cosmique pacifique coréenne comme menace à la communauté internationale, afin de dissimuler leur nature d'auteur de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne, et introduisent de pléthoriques biens stratégiques nucléaires dans la péninsule coréenne et à ses environs, dévoilant ouvertement leur tentative téméraire d'attaque militaire d'une part, et d'autre part, se démènent entièrement pour fléchir le peuple coréen avec la sanction ultra-dure et barbare de pair avec leurs alliés. Les autorités sud-coréennes aussi recourent toujours à la coopération avec les forces étrangères, loin de tirer la leçon dans la ruine des conservateurs qui ont empiré les rapports intercoréens et lancent le défi au vœu unanime des Coréens et des peuples du monde pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et l'amélioration des rapports nord-sud en proie au concept de confrontation fratricide. L'actuelle situation qui s'aggrave au fil des jours demande de s'opposer à la politique dominationniste impérialiste sur la Corée et d'intensifier davantage le mouvement international en faveur de sa réunification et de sa paix. Nous autres délégués des organisations d'amitié et de solidarité du monde entier et des organisations internationales anti-impérialistes et démocratiques présents au rassemblement solidaire avec le peuple coréen, nous soutenons entièrement l'appel adressé aux peuples progressistes du monde lors de la réunion conjointe des formations sociales de la République populaire démocratique de Corée tenue en juillet dernier à l'occasion du 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet et décidons de la façon suivante pour mieux mener les activités solidaires avec le peuple coréen. 1. Nous déployerons plus dynamiquement le mouvement solidaire en faveur de la lutte du peuple coréen pour réunifier le pays à l'aide de l'esprit de la triple charte, grand programme de l'unité nationale et des autres déclarations communes Nord-Sud. 2. Nous présenterons largement dans le monde la justesse de la politique de Sungun de Corée destinée à renforcer le potentiel autodéfensif du pays pour défendre la paix et la sécurité. 3. Nous intensifierons la pression internationale envers les États-Unis pour faire retirer la politique d'hostilité envers la Corée ainsi que les troupiers et biens stratégiques nucléaires américains de la Corée du Sud. 4. Nous organiserons massivement les activités pour détendre la situation dans la péninsule coréenne et contre les exercices de guerre nucléaire et les menées d'accroissement des armements des États-Unis et de leurs suivistes sur le sol sud-coréen. 5. Nous livrerons dynamiquement la protestation internationale contre les sécessionnistes sud-coréens qui empêchent l'unité nationale de concert avec les forces étrangères. 6. Nous sensibiliserons l'opinion publique internationale pour dénoncer la lâcheté américaine visant à réaliser leur ambition politique tout en recourant à la campagne contre le nucléaire et le missile coréen et à celle de ses droits de l'homme. 7. Nous organiserons au niveau mondial les activités pour dénoncer l'illégitimité des résolutions de sanctions contre la Corée adoptées par les États-Unis et leurs alliés en abusant du nom de l'ONU et réaliser l'authentique justice internationale. 8. Nous livrerons dans tous les secteurs la solidarité et la coopération avec les progressistes épris de paix du monde afin d'élargir considérablement les forces en faveur de la paix et de la réunification dans la péninsule coréenne. Notre lutte pour la juste cause du peuple coréen jouit du soutien et de l'encouragement des peuples progressistes du monde aspirant au monde nouveau paisible et émancipé. Nous nous œuvrerons dynamiquement, convaincus que le peuple coréen finira par réaliser l'édification d'une puissance socialiste et sa cause de la réunification nationale dans un proche avenir, sous la direction éclairée du dirigeant suprême Kim Jong-un. Nous sommes sûrs que les peuples progressistes du monde attachés à la paix et à la justice se joindront entièrement à notre œuvre. Ensemble des participants au rassemblement solidaire avec le peuple coréen, le 16 août 2017, Pyongyang.